Kruskov, Tuki, Adrien et Maddy. Faucon Millénial, le podcast le plus gauchiste de la galaxie. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Andor et de Platine, l'émission dans laquelle nous revenons sur les épisodes de la série Andor. Je suis Grushkov et je serai accompagné aujourd'hui de mes fidèles camarades rebelles, Maddy. Coucou. Coucou. Et Tuki. Hello. Hello. On va revenir du coup aujourd'hui sur les épisodes 4 à 6 de la saison 2 de Andor, et du coup, je vais pas regarder, j'ai oublié de regarder les trucs. Attends, hop. T'as oublié de regarder Andor, tu fais comme Adrien? Non, j'ai oublié de regarder, j'ai oublié de regarder les qui a écrit ces épisodes et réalisé. Ah, bah, c'est écrit du coup. Réalisé encore une fois par Ariel Clayman et écrit par Bo Willimon. Voilà, qui était quelqu'un qui avait participé à The House of Cards. Voilà. Où est mon conducteur ? Voilà, bon, alors sans spoilers rapidement, qu'est-ce que vous avez pensé de ce second arc, l'arc francophone du coup de la série, Maddy? Alors moi j'ai préféré le premier arc, même si celui-là il a été sympa, et bizarrement c'est pas le côté francophone que j'ai kiffé le plus. Enfin francophone, on dirait plus germanophone, mais... Bah, et la France, c'est les Francs, c'était des Germains aussi. C'est vrai. Tout est logique. Mais ouais, il y a des moments sur Gorman, ça me faisait un peu chier, pote. Ok, ok, moi c'est très bien. Ça arrive à tout le monde, hein. Et toi, tu qui? Mais moi, tu sais ce que je pense des Français. c'était bien exécuté, mais moi, pour l'instant, j'ai pas trop d'intérêt pour Gorman et tout ce truc-là, mais j'aime bien voir les personnages dans l'univers interagir avec ce qui se passe, donc... La partie Gorman en soi, même si elle est très bien faite, c'était pas ce qui m'intéressait le plus, mais j'aime toujours regarder la série et voir comment ça se passe. Ok. Moi, ça me fait penser un petit peu justement à la première saison et l'arc sur en Écosse là, avec le... c'est pas du tout le même Aldani type d'histoire et tout, mais qui finit avec le Aldani, oui. Ou dans le sens où c'est pas forcément en soi passionnant, mais c'est un bon petit microcosme de rébellion et tout, un peu comme il y avait aussi dans le premier arc. C'est intéressant, mais il y a moins de thèmes, hein. J'ai galéré un peu plus, et du coup on va passer en zone spoilers pour parler vraiment librement de cet arc-là. Et le premier truc que j'aimerais aborder du coup, c'est tout l'arc que Cassian a dans cet arc, qui est très classique. Dans Star Wars, où il a ce côté où ses sentiments pourraient causer des problèmes dans le futur, avec évidemment sa peur de perdre Bix comme il a perdu d'autres personnes avant. Et on les retrouve directement, donc un an plus tard, après avoir perdu Brasso déjà, ils sont sur Coruscant entre deux missions, et ils ont tous les deux, ils sont toujours en train tous les deux de faire face à leur trauma. Directement, on voit Bix qui fait face, évidemment, avec le docteur Gerst. Non, c'est quoi déjà ? Gerst. Gerst. docteur Gerst, qui l'avait... je trouve plus le mot. Torturé. Torturé dans la première saison. Et Cassian, lui, de l'autre côté, quand il, par exemple, quand ils vont tout simplement acheter des acheter des provisions, tout simplement, il est hyper en stress et tout, parce que on rappelle, non seulement ils sont censés être undercover et tout, mais et pour lui, il y a aussi ajouté à ça le fait que ben il s'est fait arrêter et a passé des mois en prison parce que il est allé juste faire ses courses fois. Donc, il est vraiment pas à l'aise. Et puis, elle essaye de l'aider. Ils essayent tant bien que mal l'un l'autre de s'aider. Mais le Cassian, il a tellement peur que des choses arrivent à Bix qu'il l'a... comment dire ? Surprotège. Il la surprotège, il l'inclut pas forcément dans tout, il écoute pas forcément ses opinions aussi, alors que je pense qu'elle a... il est un peu dur des fois avec elle, par exemple, parce que dans la dernière mission, par exemple, ils ont dû tuer quelqu'un et elle a du mal avec ça, et Cassian, il est en mode bah, « passe à autre chose, de toute façon, ça fait partie de la mission », au lieu de se poser et de vraiment... Tu sais, avoir une vraie conversation par rapport à ça, il a tellement peur en fait que quelque chose de mal arrive à Bix, que la façon dont il la laisse un peu de côté, ça fait que il y a un gars un jour, il vient, il fait "Wanna do some day sticks?" et elle fait oui. En vrai, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est un type de drogue qu'on a déjà. Moi, ça on me a fait déjà penser vu dans Star Wars. Au... Moi, ça me fait penser au dans la vraie vie, tu sais, les gens qui prenaient des espèces de trucs comme ça, qui étaient du poison, genre de... T'as les opioïdes. Pas de la belladone, mais tu sais, il y avait un truc liquide comme ça que les gens prenaient pour dormir et tout, mais qui était... L'opium, ouais. Une partie de poison. Non, pas... L'opium, non. Ça se fume. Non, l'opium, ça se fume. Oh, c'est vrai. Vraiment un truc liquide... il y a une pièce de théâtre comme ça où ils en parlent, mais genre pisse. c'était je crois des trucs de Deadly Nightshade, des trucs comme ça dilués et mélangés à des trucs. Ben, je sais que par exemple il y a des gens qui prennent du Teralène comme ça. Du Teralène, c'est un médicament pour dormir, et t'en as une version cachée, une version goutte. Et normalement tu dois pas dépasser plus d'une certaine dose en goutte. Évidemment, t'as des gens qui abusent, quoi. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est pas juste un médicament à la base pour l'aider à dormir, mais du coup, elle l'utilise aussi pour un peu... comme toutes les drogues qui sont comme ça, où c'est comme le... Adderall. Ouais. Aux US, qui est utilisé énormément. C'est un vrai médicament à la base, mais... Mais ça, bon, ça c'est un peu... Voilà. Toujours est-il que ouais, c'est un peu destructeur. C'était un peu triste de la voir, la pauvre. Mais en même temps, c'est logique avec tout ce qui s'est passé jusque-là. Et même Cassian, même si on sait qu'il est un peu dans le tort, c'est tout à fait compréhensible. Et c'est un truc que la série fait très bien, en fait. C'est que tous les personnages, tous les choix qu'ils font sont absolument compréhensibles. Et ça c'est bien réussi, et du coup tout ça, évidemment, ça fait penser à Anakin, et tous les deux ils ont un peu ce côté où leur peur de perdre la personne qu'ils aiment leur pousse à faire pas forcément les meilleurs choix. Certains diraient même font les mauvais choix. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, par exemple, du moment... Alors, je dis par exemple, ça n'a rien à voir avec ça, mais de, justement, le... Luthen et le fait qu'il vient voir Bix quand Cassia n'est pas là. Qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que vous avez pensé quand vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous pensez qui étaient ses intentions spécifiquement par rapport à ça? Parce que moi, j'ai ma version, mais je suis pas sûr d'avoir raison. Je pense que je suis un peu bête aussi. Si vous écoutez le podcast, vous savez que c'est le cas. Je peux répéter la question, pardon. Disais que... Je voulais laisser Tuki parler, je me suis dit, il n'ose pas parler ou pas? Non, pardon, je suis partie regarder la belladone qui est un poison, et effectivement, ça a été utilisé dans l'Antiquité et l'Empire romain comme traitement pour l'insomnie et ce genre de trucs. Et c'est un poison mortel. Hein. Quand à outre dose. Ouais. J'imagine que tu dors bien si t'es mort. Oui. Oui, c'est vrai. C'est réel. Donc, ce que je demandais, c'était qu'est-ce que vous avez pensé de la scène où Luthen vient dans leur appartement pendant que Cassia n'est pas là? Et qu'est-ce que vous pensez qu'étaient ses intentions et tout ça? Ok. Moi, avant de commencer sur celle-là, je voulais dire un truc par rapport à Cassian qui couve et qui surprotège et qui se comporte un peu comme un parent ou un grand frère envers Bix, ce qu'elle lui fait remarquer d'ailleurs. Parce que tu disais que... on disait que... Lui, il est clairement traumatisé aussi avec le fait qu'il n'arrive pas à aller faire les courses et tout sans penser au truc et tout. Et en même temps, il s'attend à ce qu'elle passe... outre ses propres traumas, mais il lui laisse pas aussi l'opportunité de le faire parce que elle essaye de trouver un semblant de normalité, tu vois, genre en allant français, c'est cool, en essayant de s'installer chez eux, en essayant de entre les missions, ils aient une vie la plus normale possible, ce qui est aussi une des choses dont les gens ont besoin pour outrepasser les traumas et tout. Et lui, il la laisse pas gérer cette façon là. Son trauma, lui, il est tout le temps en fait sur le qui-vive et tout le temps comme s'il était en mission, et du coup c'est pour ça que ça la met aussi dans cet état de stress et tout, parce qu'ils sont complètement deux façons différentes de gérer. Et du coup, pour venir à Luthen, je pense qu'il avait raison d'essayer de les voir séparément et d'aller la voir elle dans son milieu naturel, tu vois ce que je veux dire, chez elle, où elle est pas en train de... Parce que si tu le vois comme un patron, quand il la voit, elle vient sur son lieu de travail. Donc c'est pas la même chose que elle en privé. Et pour moi, il voulait vraiment voir dans quel état elle était en privé. Genre, comment est l'appartement? Est-ce qu'ils se sont installés? Est-ce que c'est le bordel? Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont là? Etc. Parce que c'est aussi son devoir de s'assurer que... ils vont pas être un problème. Dans le sens où ils vont craquer et le mettre lui en danger parce qu'ils sont en direct ligne de mire. Du coup, je pense que c'était un peu un truc comme ça où il voulait voir et il voulait la prendre au dépourvu pour avoir une vraie conversation spontanée avec elle et pas un truc préparé à l'avance. Et il pouvait pas faire ça avec Cassian parce que Cassian est dans ce mood de chien de garde, et du coup, il aurait pris le dessus et puis il aurait empêché de s'exprimer comme elle avait besoin. Mmh. Et je pense qu'il était vraiment genuine. Bien intentionné. Qu'il était, ouais, voilà, quand il est venu la voir et qu'il lui a parlé de la drogue et tout, je pense pas qu'il était du tout dans le jugement, je pense qu'il était vraiment en mode on est tous passés par là et je veux voir comment toi tu t'en sors, et aussi de tester si Cassian et elle ensemble marchent ou si ils se mettent des bâtons dans les roues l'un l'autre. D'ailleurs, il me semble qu'il lui dit qu'il lui parle de ça, et je pense que c'était vraiment pour la tester, pour l'évaluer, et aussi pour lui donner un peu de liberté et de possibilité de prendre ses propres décisions elle-même sans que Cassian soit là à la surprotéger. Yes. Ouais, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, Tuki. En plus, enfin, j'ai quand même eu cette arrière-pensée où il vient là pour un moment, je me suis dit, mais il vient pas. Enfin, pendant une brève seconde, je me suis dit, il vient pas tuer Bix quand même. Oh non. Oh non. Non, et je l'ai trouvé vraiment. Tu vois, je m'attendais vraiment à ce qu'il fasse la morale en mode. Tu mets tout en péril, machin, au final, pas du tout. C'était. Non, vraiment, il. On voit bien qu'il a. Qu'il... Comment dire. Il a une phase bien sombre, Lucène, mais il a l'air de... d'en avoir quelque chose à faire quand même, des gens avec qui il travaille, on va dire. Ça c'est cool parce qu'on a souvent des c'est un peu l'inverse de Saw, j'ai envie de dire. Saw, il n'hésite pas à buter les gens de son groupe s'il considère que c'est des menaces ou des boulets pour la cause et voilà. On voit, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas noté là, mais c'est une bonne. C'est un truc, c'est un des thèmes qu'on a cette fois-ci dans cet arc-là, c'est les différents types de leadership, en fait. On voit Saw, on voit Luthen, on voit aussi Vel et Cinta, et le gars, évidemment, j'ai oublié son nom, le leader sur Gorman. La façon dont ils gèrent leurs responsabilités en tant que leader de cellules rebelles. Et c'est... Luthen, il est... Pour moi, du coup, je me disais, il la manipule, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il est mal intentionné. Il trouve les mots justes, il trouve le juste taux d'empathie et de motivation pour l'aider et l'aider à revenir sur le droit chemin et devenir la meilleure version d'elle-même qu'elle peut être, qui est un peu en fait ce qu'il fait avec Cassian dans la saison 1, et je pense que c'est là qu'on voit comment il gère, c'est que il les comprend. Et grâce à ça, il peut les guider à être de meilleures personnes, au moins pour la rébellion. Ce qui est très bien, c'est déjà bien. Ouais. Voilà. Et je pense que Bix, elle est beaucoup plus... elle est beaucoup plus concentrée et... logique et dirigée que Cassian, parce que lui, il a clairement la passion, mais il est très chaotique. Et elle est clairement très organisée, parce que tu vois comment elle manageait son magasin et tout. C'est clairement quelqu'un qui fait les choses dans l'ordre, qui a, une fois qu'elle prend une décision, elle suit, etc. Alors que Cassian, il est beaucoup plus dans l'improvisation et dans le suivre ses émotions sur le moment et ce genre de truc. Et du coup, je pense que c'était Lucen, il a probablement très clairement vu ça, et je pense qu'il voulait essayer de donner à Bix un peu plus de confiance pour se placer dans cette position de prendre un peu plus le lead, parce que elle, je pense qu'elle est beaucoup plus professionnelle que Cassian, dans le sens où s'ils ont une mission, elle va analyser, comprendre et suivre les directives. Alors que Cassian, il va être beaucoup plus dans le sens de « Ouais, ben, quand je suis arrivé là-bas, en fait, ça m'a pas plu et du coup, j'ai décidé d'improviser, ce genre de truc. » Et Lucen, il a besoin de gens qui... Il a besoin des deux. Il a besoin de gens qui savent suivre exactement la mission pour pas que ça foire, mais il a aussi besoin de gens qui savent... avoir un plan B, plan C, etc., si jamais ça se passe mal. Du coup, c'est pour ça que je pense qu'ils voulaient tester, voir si ça pouvait marcher, eux, ensemble, parce qu'ils sont tous les deux de ce côté-là du spectre, et du coup, ça peut être une super combinaison s'ils ils s'étouffent pas l'un l'autre à cause de cette espèce d'opposition de leur façon de faire. Et je pense qu'ils voulaient essayer de voir s'il fallait les séparer, ou s'il fallait... leur montrer à eux deux que non, vous êtes très différents et c'est parfait pour fonctionner ensemble, donc suivez ce pourquoi vous êtes bons, et ouais, faites-vous confiance en l'un à l'autre. et à vous-même. Maddy, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Ah non, je suis complètement d'accord. Oui. En tout cas, oui, tout ça, ça a un impact, du coup. Et il y a aussi Cassian lui-même aussi, avec sa propre confrontation pardon, avec Luthen, qui au final lui remet un peu les pieds sur terre par rapport justement à sa relation avec Bix et la façon dont il la traite. Et Luthen, j'ai l'impression qu'il fait semblant d'être d'ailleurs il les appelle juste après pour faire une mission, mais il dit du coup je suis déçu par vous deux, c'était un test et puis vous avez tous les deux raté, alors que je pense que pas du tout. Je pense que justement ils ont tous les deux réagi exactement de la bonne manière et c'est comme ça qu'on a droit à la dernière scène où Bix a enfin, même si ça va pas régler ses traumas, elle a sa c'est pas sa rédemption, qu'est-ce que tu racontes, sa vengeance. Et en plus ils le font ensemble et de manière super smooth et ça fait du bien de les voir fonctionner correctement ensemble à la fin. Donc au final, tout ça, eh ben, c'est grâce à Luthen. Et en fait, la morale de l'histoire, c'est que si... Do couples counseling. Allez voir un psy. Voilà, les thérapies de couple, merci. Moi, j'aime bien le fait que, justement, ils ne le font pas ensemble. Genre, il est là. Oui, mais ils sont là. À l'extérieur. Oui. Il est avec elle, mais il est à l'extérieur et il est là, clairement. Et il lui fait confiance. Voilà, mais c'est elle qui fait tout le truc elle-même. Et j'aime beaucoup ça parce que du coup, c'est genre... elle peut se débrouiller toute seule, elle n'a pas besoin d'un mec pour faire le truc à sa place. Et du coup, elle, ça lui donne aussi l'espace de faire exactement ce qu'elle veut pour se venger. Et alors, ça ne va pas aider le trauma de ce qu'elle a entendu, mais ça va aider avec les cauchemars parce que clairement, ses cauchemars à elle, c'est basé sur le fait que le gars pourrait revenir à tout moment. Le gars, elle l'a explosé, il ne peut plus revenir, ça va déjà enlever un gros poids. Oui. D'ailleurs, rien à voir, c'est toujours sur Bix et Cassian, mais je sais pas si vous avez remarqué, il y a deux types de profs. si vous avez remarqué quand ils se... ils se câlinent. ils se font un symbole sur les mains, vous avez vu ce que c'était? Non, j'ai pas reconnu le symbole. Bah c'est le logo de Andor. Alors je le vois pas là. C'est dans la série en elle-même, il y a une police d'écriture, mais je vais vous le mettre là et vous allez voir sur leur paume, ils se dessinent le logo d'Andor. Ah. Comme ça avec le cercle, les trucs. C'est comme un peu comme le Firebird, je sais plus comment il s'appelle, celui de Sabine là un peu. Ah oui, et puis voilà, c'est aussi pratiquement tout le logo de la rébellion. Et j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas trop si ça vient de eux ou pas. Je sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas on dirait. j'ai beaucoup aimé. C'est super intéressant le truc du symbole. Je me demandais s'ils étaient en train de s'écrire quelque chose ou pas, ou si c'était genre un petit rituel qu'ils avaient entre eux. Mais j'ai adoré qu'il montre une scène d'intimité comme ça avec les mains, que déjà dans le monde de la de la fanfic et des analyses de films et tout, les mains c'est quelque chose de super important dans la romance, mais tu le vois rarement aussi longtemps et aussi bien fait et aussi tendre. Tu vois ce que je veux dire, c'est généralement quand tu vois des gens qui ont des scènes d'intimité, ça va être surtout sur le visage ou des parties du corps un peu plus explicites, ou tu vois, un peu plus habituelles, ou sur le tronc ou le visage. Mais, mais là, le fait que ce soit les mains, que ce soit si tendre, et si c'était super, super joli. Je trouve que c'était vraiment très bien fait. Oui, mais d'ailleurs, ça, c'était intéressant parce que ça, c'était en... Pas directement, mais c'est un peu en opposition avec le juste éteint les lumières. Ah oui, alors là. c'est intéressant de voir les parallèles entre les deux relations principales, on va dire, de la série, entre Bix et Cassian, et puis les deux autres, là. Minus et Cortex. qui est, j'ai beaucoup aimé leur arc aussi, d'ailleurs, à des drames, et surtout à Cyril, et le fait qu'il joue un peu, ça continue un peu ce truc qu'ils font avec Cyril, avec la banalité du mal, avec le fait que c'est juste un bureaucrate et tout, mais il est là en train de jouer à l'espion et tout, il se sent plus pissé quand le directeur de la Gestapo lui dit qu'il a fait du bon travail et tout. C'était assez intéressant. C'était pas énormément en termes de thème et tout ça, c'est pas aussi riche que d'autres moments dans Andor, mais je trouve que cet arc là était un peu plus sur les relations et l'évolution des personnages qui naviguent entre leurs devoirs et leur relation personnelle. Et du coup, c'était intéressant de voir un peu comme... ça me fait penser, et c'est très drôle parce qu'il était aussi dans la série dans un autre rôle, quand Snoke dit au tout début de The Last Jedi... je sais plus comment il dit en français, mais il dit tu te demandes peut-être pourquoi j'ai un rabbit cur. Attends, ça veut dire, comment je peux traduire ça, Bâtard enragé. Ouais, un bâtard enragé, en parlant de Hux, vous vous souvenez? Et que un petit toutou comme ça, bien manipulé, ça peut être un très bon sharp tool. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce que Dedra et du coup le BSI font avec Cyril, qui il est vraiment... Ah, comment dire, je sais plus en français. He's in over his head. il fait rien de d'exceptionnel, mais il s'en fout parce que il participe. Oui, c'est ça. Il se sent important. Il se sent important, ce qui est exactement tout ce qu'il veut. Et au final, il est tellement pas remarquable que ça en fait justement l'outil parfait pour être manipulé. Je sais pas comment vous voyez ça par rapport à eux et tout, mais moi c'est un peu comme ça que je le vois. Bah, absolument, puis en plus il est tellement parfait pour se faire manipuler que les gens de la rébellion locale pensent qu'ils sont en train de le manipuler aussi, tu vois. mais ouais, il est absolument le l'outil idéal pour Dedra et son boss, parce que comme tu disais, il est ultra commun, il a son passé qui joue un peu en la faveur de ce que les gens pensent que ses intentions pourraient être. Il est pas remarquable et il est super eager. Il a super envie de faire ses preuves et d'être investi là-dedans et de leur obéir et de faire tout ce que eux ils veulent. C'est un gars qui a pas, pour moi, d'ambition. Son seul but, c'est d'être utile et de servir l'Empire, mais dans une façon non corrompue. Tu vois, vraiment, il exécute les ordres et il sait que ces ordres-là, c'est c'est parce que ça sert l'Empire et parce que ça, c'est pour empêcher les gens de briser les lois et tout. Il est vraiment juste le bon petit soldat qui est super content de faire son, son taf, quoi. Mais moi, j'ai trouvé ça... Il me fait trop rire dans cet arc. Mais j'ai trouvé ça assez mignon et touchant que t'as la scène où il va voir Dedra et lui fait éteindre les lumières. Et à côté de ça, quand il dit que c'est le plus beau jour de sa vie d'avoir fait un petit truc et que le gars lui a fait bon boulot, et ben, elle a pas l'air dégoûtée pour une fois. Elle est juste un vrai. Peu, tu sais, juste un peu... En mode, ah bon? C'est un enfant, quoi. Elle est juste un peu surprise qu'il soit aussi... Aussi con, je pense, franchement. Ouais, aussi enjoué, aussi presque naïf, tu vois. Et oui. Aussi, extrêmement, genre vraiment comme un petit toutou qui a reçu une balle et qui est trop heureux. Mais tu vois qu'elle n'est pas dégoûtée cette fois-là. Et elle a l'air vraiment d'en avoir quelque chose à faire de lui. D'avoir... des sentiments positifs envers lui parce que elle sait pas comment réagir face à ça. C'est clairement une personne qui est très sérieuse et qui a pas l'habitude des réjouissances et de ce genre de petite joie comme ça spontanée. Et du coup, elle sait clairement pas comment réagir, mais tu vois, elle lui dit pas garde ton sérieux ou c'est pas le moment ou ce genre de truc. Elle lui fait essaye de faire un petit sourire et puis elle lui dit ben ça fait plaisir de te voir heureux. Et j'ai trouvé ça trop mignon, parce que aussi, ça te donne une... C'est intéressant de voir son personnage à elle se dévoiler un peu comme ça, parce qu'elle est très très dans le contrôle et dans une image très très contrôlée, très définie, très mesurée. Et du coup, la voir être un peu prise au dépourvu et exprimer de l'empathie pour ce gars-là qui la dégoûte à moitié, c'est... C'était intéressant à voir. Et aussi avec la scène après où son boss lui dit « Par contre, il peut pas savoir, Cyril, faut pas qu'il sache la vraie raison de pourquoi on fait ça. Hein. » Et elle est en mode « Ouais, je me le rappelle tous les jours. » Et du coup, pour moi, le fait qu'elle... Ça, plus le fait qu'elle dise « Ouais, je suis obligée de me le rappeler tous les jours. » Ça m'a fait penser que d'un côté, elle a envie d'être plus intime avec lui, plus confidente, ce genre de choses, et qu'elle a envie de se confier à lui, qu'elle a envie de partager ce genre de choses avec lui, mais qu'elle est très professionnelle, donc elle sait qu'elle peut pas prendre de risques et tout foutre en l'air parce que ses sentiments se mettent au milieu. Ok, très bien. Maintenant, je vous propose de passer à un autre truc. Maddy, je crois que c'est toi qui avais noté ça dans le conducteur. Non, c'est pas moi qui ai noté ça. C'est peut-être tu qui. De quoi? Est-ce que quelqu'un a écrit quelque chose dans le conducteur? Moi, j'avais écrit les techniques de propagande et manipulation. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, oui, effectivement, hein, on voit pas beaucoup Mon Mothma dans cet arc-là, même si... À mon grand désespoir. Oui, mais certaines scènes dans lesquelles elle est sont assez importantes. On voit vraiment la différence entre le Sénat... Et tiens, c'est d'ailleurs quelque chose que j'avais dit il y a longtemps, c'est qu'au final, on voyait pas assez la politique dans la prélogie, même si tout le monde s'en plaint. Je pense que c'était un aspect qui aurait dû être un peu plus élaboré. Et parce que là, on voit une nouvelle version du Sénat où même les gens qui sont vraiment concernés par les dérives de l'Empire sont pas prêts à officiellement défier l'empereur, ou en tout cas le contredire. On voit des personnes qui sont des vieux sénateurs, mais il y a aussi quelque chose qui apparemment est très récent, c'est qu'ils sont en train d'introduire des nouveaux sénateurs un peu partout, clairement des gens qui sont pro-empire. Un peu voilà, qui sont mis là pour justement comme petit toutou tout simplement, voilà, pour, de l'Empire. Et Mon Mothma et Perrine, ils doivent aller à toutes ces investitures de gars. On voit même l'une d'entre elles dans le Sénat. Au début, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? En fait, c'était tout simplement une investiture de sénateur. Et tout ça, d'ailleurs, ça prend la place des vrais sujets. Et ils font de la fête et tout ça. Comme le dit Perrine, je crois que c'est Perrine qui le dit, Mon Mothma, quand elle est devenue sénatrice, elle n'a pas fait la fête tout de suite. Elle a attendu d'avoir déjà quelques... d'avoir servi quelques temps et tout, et d'être un peu installée et tout. Alors que là, ils le font immédiatement. Ils sont vraiment là pour le bling-bling. Et le chèque, on dirait presque des au final le Sénat américain actuel, un peu le Sénat, voilà, c'est ça, le Sénat américain, le Sénat français, le Sénat... enfin c'est vraiment juste un conglomérat de bouffons qui désolé du mot, hein, mais voilà, c'est non, je suis pas désolé, de bouffons du coup qui sont là vraiment juste pour comment dire, lécher les bottes de l'empereur, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, je vous rappelle que 2 ans plus tard, c'est ça, 2-3 ans 3 ans plus tard, Tarkin dit que dans l'Étoile de la Mort, il dit que Palpatine a juste carrément dissous le Sénat. Ce qui est... Parce qu'à un moment, quand c'est rempli juste de gens qui vont être d'accord avec toi, bon bah... Ça sert à rien d'en avoir, plus à rien. Hein, exactement, ils les remplacent tous petit à petit. Et tout ça, ça nous mène justement à l'une de ces soirées et tout ça. Et... enfin, c'est... Bon, ils parlent d'aller en soirée et tout ça, et ils vont à une soirée chez... je me souviens jamais du nom, Skulden. Mais le beau-père de Lyda. Skulden. Hein? Skuldun. Skuldun. Skuldun. Skuldun. Skuldun. Skuldun. Skuldun. Scrooge. Scrooge. Et du coup, on a 2 storylines qui se croisent à cet instant-là, parce que pendant ce temps-là, Cléa apprend, grâce à un micro placé dans la salle avec des œuvres d'art de Skuldun, que ils ont récupéré un faux de la part d'un autre revendeur, et que du coup ils vont faire vérifier absolument toutes les pièces, et du coup il faut que ils aillent récupérer le micro et le retirer de là. Donc on a Cléa et Luthen qui vont à la soirée aussi pour récupérer ça, tandis que Mon Mothma vient parce que c'est son devoir, hein, tout simplement. Alors vite fait, avant qu'ils arrivent là, on nous introduit à un personnage que évidemment qui a totalement sa place dans la série. Ça aurait été bizarre qu'il n'y soit pas. Et on sait déjà qu'il sera plus important dans la suite de la saison. Évidemment, c'est le daddy préféré de la galaxie, Bail Organa. Avec une surprise. parce qu'apparemment, il y a un revival de Dexter. Et que Jimmy Smith a un rôle important et récurrent dans cette série. Et du coup, il n'a pas pu faire du temps pour venir. Et notre cher Bail Organa a été recast. Qu'est-ce que ça vous a fait de voir ça? Et qu'est-ce que vous en pensez pour la suite et tout ça? Vite fait, parce que je ne pense pas que c'est un sujet vraiment important. Mais c'est bien qu'ils l'ont fait passer, comme ça on sait, et puis on peut passer à autre chose. Moi j'ai bien aimé sa bouille, et je trouve qu'il a vraiment bien géré le côté un peu coquin du caractère, du personnage. Tu sais, dans le sens... Je savais que tu allais dire ça. Tu sais, dans le sens un petit peu... je sais pas comment le dire, mais pour moi, Bail, c'est quelqu'un malicieux, expiègle, oui. Oui, voilà, c'est ça. Pour moi, Bail, c'est quelqu'un qui est très intelligent, et qui est aussi quelqu'un qui est très, très joyeux, très gentil et tout, et très sérieux, mais il a toujours un petit sourire en coin, il a toujours un petit regard en mode « on sait ». Et je trouve qu'il a vraiment bien pris le caractère, le personnage. et du coup, moi, j'avais entendu, vu qu'on en avait parlé dans le Discord, qu'il avait été recast avant. Donc, je m'y attendais. Mais j'ai bien aimé l'acteur qu'ils ont choisi. Et je trouve que pour le peu qu'on l'a vu, il a déjà très bien rempli le rôle. Yep. Et toi, Maddy ? Moi, je suis assez d'accord, même si... Alors, je partage l'avis de Toto, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même carrure, donc s'ils ne l'avaient pas introduit, j'aurais jamais su qui c'est, juste à l'image. Oui. Mais ouais, je pense que c'est un bon recast. Oui, je pense que voilà. C'était nécessaire, et puis... franchement, est-ce que c'est si grave pour la continuité ? Je pense que ça va. Non. Non, et puis il ne faut pas que Star Wars fasse la même erreur que Marvel à ne pas vouloir recast... Et puis, Bale, on ne l'a pas vu dans la série, il me semble. Oui. On le voit dans Rogue One. Oui, mais on ne l'avait pas vu dans la série elle-même. Oui, voilà. C'est et du pas, coup, c'est pour moi, ce n'est pas interne. Un problème. C'est comme Mon Mothma et tout ça. C'est ce que je veux dire. T'as des... C'est propre à la série. Ça ne me dérange pas qu'ils introduisent un recast dans la série elle-même, vu que le personnage n'était pas apparu dans la série Du moment qu'ils sont consistants comme ça à travers la série. Bon, et en même temps, le mois dernier, enfin non, il y a plus de temps que ça, ils ont aussi dû recast un personnage important, alors il est moins important à l'échelle de tout Star Wars, mais de la série Ahsoka, parce que Ray Stevenson est mort. Donc c'est bien que... Et là, on sait par Tony Gilroy que c'est Kathleen Kennedy qui a dit « Bon, on recast, j'ai même une idée pour qui on peut prendre. » Donc c'est bien que, contrairement à Luke, qui a souffert, ils avaient fait leur test sur Rogue One. Franchement, sur Rogue One, je comprends. Ils ont fait leurs essais. C'était plus ou moins convaincant selon certains angles. Mais c'est bien qu'ils arrêtent un peu avec ça. Et ouais. Star Wars, c'est une série où l'un des acteurs les plus connus, c'est un recast. C'est Ewan McGregor. Oui, c'est une préquelle, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça veut pas dire qu'il est pas tout aussi connu, voire même peut-être plus connu que Alec Guinness. Il a interprété le personnage plus longtemps. Il y a des personnages qu'on a vus dans la prélogie où ils ont joué beaucoup plus longtemps le personnage que les actrices originaux, comme Mon Mothma par exemple. Qui est clairement, c'est beaucoup plus Geneviève O'Reilly que l'actrice originale. C'est clair. Donc ça, c'est pas un problème. Et c'est il fallait l'introduire, comme ça on sait, comme ça on a vu, et puis voilà. Et je pense qu'il va faire un très très bon très très bon job. Comme je disais, j'ai beaucoup aimé, il était dans la série de Rian Johnson, Poker Face. Oui. Adrien en parlait. Oui, oui. Franchement, j'aurais adoré l'avoir dans son propre rôle, mais écoutez, si on doit l'avoir en Bail Organa, je vais pas dire non. Mais c'est cool qu'il soit là. Et du coup, Mon Mothma, elle va à la soirée et tout, et du coup, pendant que Cléa essaye de récupérer le micro... avec l'aide de Loni, justement, qui, lui, a aussi son petit arc dans cet arc, avec son travail d'espion et tout ça. J'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec lui. Ils ont cette scène très intime, presque une scène de séduction. il y a une autre scène de séduction en arrière-plan entre Mon Mothma et Krennic. Donc je pense que c'est de ça que tu voulais parler, Tuki, la discussion entre Krennic et Mon Mothma, avec évidemment le Krennic qui joue le rôle du parfait incel, pour le coup. Ah oui, je trouvais que c'était super bien écrit. super juste et aussi d'actualité et très, très moderne dans, sa, dans la façon d'exprimer les idées qu'il voulait exprimer. Et vraiment, à chaque fois, ça tombait juste. Tu sais, c'est quand tu sais ce qu'il va dire et tu sais que c'est dur de contre-argumenter parce que c'est le problème de trucs de des fachos et tout, c'est qu'ils te sortent des trucs. Si tu cherches un peu, c'est, tu peux le complètement le contredire et prouver que c'est de la merde, mais ça sonne juste, tu vois. Ouais. Quand c'est dit à des gens qui sont pas éduqués sur ces sujets ou qui préféraient faire l'autruche ou éviter les conflits ou tu vois ce genre de truc, les oreilles faciles, tu vois, c'est le genre de truc où ça tombe et les gens vont faire, ah oui, bah oui, oui. Et après, tu leur dis, bah non. Et si tu leur montres les arguments contraires, ils vont faire, ah ouais, ok, d'accord. Mais c'est le truc que les... C'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est beaucoup plus facile à entendre parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas à se remettre en question et qu'ils n'ont pas à remettre en question tout le système. Et tout le gouvernement et tout ce dont ils bénéficient et dont ils sont complices, soit par leur inaction, soit par leurs actions. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de fermer les yeux et dire « Ah non, mais non, non, il a raison, oh là là, c'est justifié en fait, tout ce qu'on fait, on ne fait pas ça gratuitement, la violence c'est juste parce qu'ils ne nous laissent pas le choix, ces gens-là. » Et du coup, c'est énervant parce que c'est très juste dans la représentation de comment ça se passe dans la vraie vie aussi. Ce genre de technique de propagande, de manipulation, de prendre les propos de l'autre et dire « Je sais que tu vas dire ça, mais regarde, en fait, c'est toi qui vois pas la vérité et que du coup, tu inverses un peu les rôles et les positions et tu mets ces gens dans une position où ça va être difficile de contre-argumenter. Sans se mettre en danger ou sans créer un gros conflit ou sans se foutre les autres à dos ou sans passer pour quelqu'un de complètement fou aussi et vraiment la scène était excellente pour ça parce que on sait que Mothma a raison mais la technique de deflect de rediriger, de passer ça sous le côté, se focaliser sur certains mots, sur, tu sais, faire exprès de passer à côté de l'argument qu'elle essaye de faire pour se focaliser sur un détail ou sur un truc, pour jouer sur les mots, et ensuite ridiculiser, et « Oh là là, tu dramatises trop, oh là là, blablabla. » Et ça marche à fond. Et c'est une des techniques de fasciste. Et cette scène a été super bien écrite pour ça. Vraiment, vraiment très réaliste. Et c'est ce qui la rend aussi bien à regarder et en même temps aussi enrageante. Hmm. Ben ouais, c'est... Et je trouve que justement, ce qui est intéressant, c'est que... croisé avec, du coup, ce qui est en train de se passer avec... Cléa et Lonnie dans le fond ça rajoute à la tension parce qu'il est tellement énervant que t'as envie qu'il se prenne des claques. Oh, putain, j'aurais tellement kiffé et en plus lui il aurait kiffé aussi. Ouais, ouais c'est vrai. Il aurait dit more. Et le truc, c'est que pendant un moment, t'as peur que Mon Mothma, elle fasse foirer ce que Lutin et Cléa sont en train de faire parce qu'elle n'est pas au courant, elle. Mm. Et d'une façon, elle les aide parce que à chaque fois, elle le fait se stopper et, dans ce qu'il était en train de faire pour lui répondre. Diversion. Et du coup, elle leur fait gagner du temps malgré elle. Mais il y a un moment comme ça où je me suis dit, si ça part en couille, ça va vraiment aller mal parce qu'ils vont remarquer que qu'est-ce qu'elle fout l'autre là à toucher le truc, qu'est-ce qu'ils font tous les deux dans leur coin, etc. Et du coup, ça marche super bien la tension de la scène. comme ça. Bah, y a un moment où je me suis dit, de la manière dont il la pique, Krennic, il sait des trucs sur elle. Genre, le... Bah, je pense qu'elle est... Oui, ils l'ont déjà mis à... Elle est fichée S. Voilà, hein. Tu sais ça, exactement. mais tu sens qu'il joue avec ses nerfs et tout, et que... Ah, comme tu disais, il utilise de la manipulation et tout. Vraiment, c'est le maître sophiste par excellence. Mmh. Et c'est vrai que la scène, elle est tellement... Enfin, j'ai trouvé que cette scène avait été... L'attention marchait beaucoup plus que toute la scène de braquage sur Corman, par exemple. Ne serait-ce qu'au niveau de tension, niveau intérêt aussi, parce que je trouve que la scène du braquage, à part la mort de Cinta, un peu osé. Vraiment, cette scène, elle était... Elle était ouf, quoi. C'est... Ouais. Très, très bien écrit, réalisé, joué. Ouais, maîtrisé, c'est tout. C'était vraiment... Il n'y a pas besoin forcément de piou-piou. Ça me rappelle un peu dans Le Mandalorian, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, de la scène où ils sont juste assis comme ça, tous les deux, Mando et Bill Burr face au commandant là, et c'était genre une des scènes les plus tendues de tout Star Wars, parce que le gars il disait des horreurs juste devant eux, et tu sentais qu'il devait se retenir de pas le faire exploser, alors que juste avant dans le même épisode il y avait eu tout un truc de toute une scène d'action et tout, hyper excitante et tout ça. Et là, c'est pareil, le braquage, effectivement. En fait, le braquage, il est tellement smooth, un peu trop facile. Et d'ailleurs, c'est parce que les Vel et Cinta, elles savent ce qu'elles font. C'est ceci fait pour montrer qu'elles ne déconnent pas, elles savent ce qu'il faut faire. Et puis, si les gens suivent leurs instructions, ça se passe très facilement. C'est limite banal. Comme truc, alors que là bah, t'as la tension, parce que si ils sont découverts d'un côté, tout s'effondre, et de l'autre côté t'as cette tension qui est tellement réelle, tellement palpable. Si tu vas sur Reddit, tu c'est le genre de truc que tu verras forcément au bout d'un moment, ou sur Twitter, c'est ça tous les jours constamment depuis plusieurs années maintenant. Et c'est très réussi. Je voulais ajouter aussi, c'est vraiment compliqué en plus pour Mothma, ce genre de débat, parce que donc c'est un empire, et n'importe quel propos que tu peux utiliser que tu peux dire peut être utilisé contre toi, en mode oh bah t'es un traître à la nation, tu vois. Et du coup elle joue l'opposition politique dans un empire, donc où t'as pas le droit à l'opposition politique, et du coup elle doit essayer de trouver un équilibre entre prouver que c'est des enflures et en même temps ne pas être trop une menace, parce que dès qu'elle devient une vraie menace, et c'est foutu. Et du coup elle doit essayer de jouer un peu la personne un peu moins passionnée, un peu plus naïve, un peu moins... Tu sais, qui n'a pas exactement les bons arguments. Tu vois, un peu plus une idéaliste qu'une personne qui sait exactement ce qui se passe et qui est une rebelle. Et du coup, elle peut pas dire tout ce qu'elle devrait parce qu'elle a devant elle le ministre de la propagande, tu vois. Et de la... J'imagine de la Gestapo. Non, lui, il est... Et ministre de la science, on dirait comme ça, il est... Non, mais tu vois ce que je veux dire, il a clairement plusieurs rôles, et il est très très haut placé, et proche de Palpatine, et c'est clairement quelqu'un qui travaille très proche de la propagande et du marketing de l'Empire, je sais pas. Mais du coup, elle peut pas aller jusqu'au bout de l'argument, parce que ça mettrait tout en danger. Elle peut pas aussi révéler tout ce qu'elle sait, parce qu'il y a probablement des informations qu'ils ont obtenues via l'espion, via la rébellion et tout, et qu'elle n'est pas censée savoir en tant que juste sénatrice. Et du coup, elle ne peut pas être aussi trop dangereuse, parce que du coup, ça mettrait absolument tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent en danger. Et de la même façon, elle peut pas non plus être trop perdre la face, parce que si t'as une femme qui commence à s'énerver, forcément, oh là là, tu sais, tous les trucs de fascistes, d'incels et tout, ils sauteraient dessus direct. Hein. Déjà, quand il fait sa blague, tu sais que ça va dans cette direction. Et du coup, c'est pour ça qu'elle doit lâcher le morceau, alors que c'est une personne qui supporte pas ce genre d'hypocrisie et de mensonges et tout. Et c'est intéressant de voir Lucen qui les observe, parce que silencieusement il sait qu'elle doit maintenir tout cet équilibre et tout, et qu'elle atteint ses limites, Mothma, avec tout ce qui se passe dans sa vie privée et tout, avec son pote d'enfance qu'ils ont vu assassiner, avoir marié sa fille au gros connard du coin. Elle est à bout là, et du coup il est en mode oh, putain, est-ce qu'elle va craquer ou comment elle va gérer ça. Et c'est très intéressant de le voir aussi, les regarder et se dire à quel moment j'interviens, comment j'interviens, et du coup sauter sur l'occasion de Krennic qui fait sa blague pour rigoler aussi et faire genre « Ah, oh, c'est juste bon enfant, c'est juste des petites joutes verbales, politiques, il n'y a rien de bien méchant, on est tous copains à la fin. » Il est là que pour les vibes quand il est en undercover. Putain, mais il est obligé de maintenir sa cover, et il le fait très très bien d'ailleurs. Mais tu vois qu'il est super observant, parce que les comportements et les propos des gens révèlent beaucoup, beaucoup. Non, mais t'as ce côté un peu où, elle peut pas en dire trop parce qu'évidemment il y a la rébellion, mais il y a ce côté aussi, ça se voit qu'elle veut pas avoir l'air trop radicale face aux gens qu'elle connaît qui sont autour d'elle, quoi. Et tu vois pas, t'as un moment où quand elle explique que, oui, je crois que c'est quand elle explique que, Krennic dit, oh oui, ils accueillaient les gens qui venaient chez eux en les décapitant ou un truc comme ça. Elle dit, c'est des coutumes comme une autre. Et t'as Skulden et sa femme qui la regardent en mode What? Genre, ah ouais, t'es comme ça, meuf. on voit pas trop Perry dans cette scène-là. Mais vraiment, j'aurais été curieuse de savoir. Enfin, je pense qu'on va y avoir le droit après à une espèce de scène de ménage en mode Ouais, t'as un peu foutu la honte et tout. Mais parce qu'il a l'habitude. Que je pense qu'elle est comme ça avec lui. Ouais, peut-être à la limite il sera en mode oh ça va, c'était rigolo, quoi. Genre lui il est pote avec des gens de l'Empire, donc il les passe après. Enfin, pour lui c'était une petite joute verbale pas sérieuse. Mais ouais. Tu sens que Mon elle a juste envie de lui lacérer le visage, quoi. Mais de tout le monde qui est dans la salle, hein, clairement, ouais. elle est à bout, elle sait que c'est tous des trouducs hypocrites, égoïstes et tout ce mais que tu ça, veux. C'est ça, c'est tout son truc. On la voit pas beaucoup, mais c'est tout du long, c'est ça. Et c'est dur parce qu'elle sait qu'elle devrait pas autant s'engager, mais elle peut pas ne rien dire parce qu'elle s'est toujours placée en tant que la sénatrice qui challenge un petit peu, qui essaye un peu d'apporter de la nuance. Donc elle peut pas subitement devenir silencieuse parce que ce serait louche. Et en même temps, elle peut pas aller trop loin et, comme tu disais, être trop radicale parce qu'elle a besoin de garder cette couverture et de pas être une menace à la fois pour... n'importe quelle relation, que ce soit les relations politiques ou les relations familiales nouvelles ou d'amitié et tout, elle doit garder ce double jeu. Et que c'est ce qu'elle disait, il me semble, dans la saison 1 à Lucen, quand il lui parle de vulnérabilité et qu'elle lui fait « t'as pas le droit de me parler de ça, je suis la plus vulnérable dans l'histoire ». Parce que, ouais, elle est publique. Et du coup, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle mange, tous les gens à qui elle parle, ça va être analysé, ça va être utilisé pour déterminer ce qu'elle fait et comment utiliser ça contre elle. Oui. Et mais d'ailleurs, je voulais parler de Perrine quand ils arrivent, quand ils sont dans le taxi puis, ou dans la limousine, peu importe, et puis qu'après ils arrivent à la fête. C'est le gars qui est en mode, depuis le début, en mode oh là là, tout est trop sérieux et triste. Moi, je veux juste faire la fête et pas penser à tout ça. Et tu le vois dans le début de cette scène où il est en mode. On doit encore aller à une fête et cette fois on peut pas s'enfuir avant la fin quoi. Même lui il en a marre. Même lui il en a marre. C'était ça aussi que je voulais dire, ces petites scènes là dans la voiture, c'est ça. Je disais genre malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une espèce de complicité, de compréhension un peu entre les deux. Et franchement, si lui il se remettait un peu à sa place et tout ça, il y aurait moyen qu'au moins leur relation soit plus que cordiale. Je pense que là, par exemple, être en plein dans ce truc-là, tu vois qu'il est vite saoulé. et tu vois, j'y ai pensé parce que on en a parlé dans l'épisode précédent. De cette complicité, et moi j'étais 100% d'accord qu'ils avaient quand même une petite complicité et tout. Et ensuite on avait parlé du fait que probablement elle avait par contre pas de sentiments amoureux ou de trucs comme ça pour lui, et dans cette scène, moi ça elle a vraiment perdu le peu d'affection qui pouvait lui rester pour lui, parce que d'habitude elle a ce petit truc de se lancer des piques et de se faire une petite, tu vois, juste se lancer la balle l'un l'autre. Et cette fois-là, elle l'a juste complètement, en gros, ta gueule, quoi. Parce que il fait tout son truc de se plaindre et puis tu vois qu'elle a vraiment pas le cœur à ça. Alors que d'habitude, elle aime bien lui renvoyer la balle. Et là, la dernière chose qu'il lui dit, elle lui fait j'en ai rien à foutre, tu te démerdes avec ça, tu vois, genre en mode get over it. et c'est pour ça que je disais, elle est au bout là, elle prend même plus le plaisir à se foutre de la gueule de son mari. Tu sais qu'elle va, ça va plus là. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur cette petite scène? Bah, en parallèle, il y a Cléa, la girl boss, littéralement, hein, qui sauve le cul de tout le monde. Tout en donnant une leçon d'histoire au gars. Ouais, j'essaie de trouver un truc rigolo à dire sur lui, mais juste, c'est Lonnie. J'ai trouvé ça super intéressant d'ailleurs, de l'histoire de ce peuple où la plupart des peuples considèrent comme un handicap, qui est d'être aveugle. Pour eux, c'est l'inverse. C'est le fait de pas être aveugle qui est un handicap. Et j'ai trouvé ça super, super bien. Et je pense que ce serait intéressant, après ça, qu'on fasse vraiment l'épisode sur le handicap, parce que, comme on en avait déjà un peu parlé, il y a très peu de représentations, et le peu de représentations qu'on a est pas vraiment positif, tu vois, c'est plutôt, bon, bah, ils ont hyper un bras, donc on va lui replacer le bras, parce que, tu vois ce que je veux dire ? Et là, t'as cette histoire qui est... De ces gens qui voyaient ça un peu comme un truc presque divin, tu vois. Et j'ai trouvé ça super, super cool. Et encore une fois, on a ce truc des mains. Du toucher, oui, des mains, de raconter une histoire avec ses mains. Et c'est encore plus intéressant quand tu sais qu'ils étaient vraiment en train de s'écrire des symboles Bix et Cassian. Oui. Oui, c'est intéressant aussi de... la façon dont... tu sais, elle... Je sais pas, pour moi ça montre aussi le fait que la grâce... Tu sais, c'est une œuvre d'art qui a été volée à un peuple qui est plus là pour le récupérer. T'as vraiment tout ce côté des riches privilégiés qui ont des... Et mis face à... aux gens qui... je sais pas, qui sont juste défavorisés d'une manière ou d'une autre. Et le fait que que Cléa se fasse saigner dessus et tout, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est... Je sais pas, je trouve ça très symbolique. Je sais pas, j'arrive pas à exprimer pourquoi. Surtout, en plus, elle se fait saigner la main et c'est un objet qui est censé être fait pour les mains. Mmh. Et le oui. fait que ça leur a servi à... comme moyen de d'avoir D'écoute. Des informations, tu vois. c'était un truc caché qui devait pas être vu et qui leur a donné des informations orales, vocales. Je suis d'accord avec toi, il y a tout un thème là. Et puis, c'est, en fait, c'est, et je trouve aussi que, et là, c'est plus par rapport à Lonnie, que si on n'avait pas compris que il prend son job très son job son le cette couverture cette double vie très très au sérieux ce qui prend tout son sens à la fin de l'épisode mais le fait qu'il est que il écoutait vraiment ce qu'elle disait et qu'il est capable de la de d'être là au moment où il y a besoin qu'il soit là et de sortir les bons mots au bon moment, c'est ce qui fait tout au long de cet arc là c'est le seul qui ose parler quand au début dans la première réunion du BSI quand Partagaz il étouffe Urax et le fait qu'il fasse ça, ça fait que il gagne le respect des autres qui sont tous des couards au BSI, alors que ils font partie des personnes les plus puissantes, mais enfin si quand même de l'Empire, ils ont un sacré ils ont beaucoup de responsabilités et tout ça. Et ils peuvent changer beaucoup de choses. Et grâce à ça, il peut gagner leur confiance, passer plus inaperçu, et tout ça. Et tout ça, ça sert à ce qu'à la fin, quand il a enfin la possibilité de donner à Luthen les informations sur Gorst, qui du coup doit changer de bureau, je crois, c'est ça, il doit changer d'endroit où il est. Et du coup, il leak ça à Luthen, mais le truc, c'est qu'il le leak tout en s'étant assuré que c'est l'autre gars, le remplaçant, je crois, de Dédra, qui est le main sur ce truc-là, c'est pas lui. Du coup, son nom à lui est pas associé au dossier, mais il sait, il a les informations parce qu'il les a récupérées grâce au remplaçant de Dédra. Et du coup, c'est grâce à lui que Bix peut avoir sa revanche à la fin, parce que cette fois-ci, ils ont décidé d'agir dessus, parce que un truc qu'ils disaient au début. Enfin, dans la saison 1, c'était je vous donne des informations et vous faites rien avec. Et c'était un truc que disait Luthen, c'était des fois on va pas agir dessus, et puis des fois quand il y aura besoin, on le fera. Et là, du coup, il a ce petit arc où il fait son travail habituel. Et on se rend compte qu'il fait attention à tous les détails. Il fait attention à tous les détails Et il gère bien son boulot au final. Il a l'air tellement inoffensif, même pour nous qui savons que comment tout le travail important qu'il fait de d'agent double, que j'ai vu des gens qui avaient même pas compris pour comment ils avaient trouvé le docteur Gorst à la fin, parce que c'est pas mis in your face, mais tous les éléments sont là pour qu'on comprenne assez aisément ce qui s'est passé. Mais t'as complètement raison, j'avais même pas pensé au fait qu'il pouvait faire porter le chapeau à l'autre gars pour ce qu'ils font à Gorst à la fin. Et en plus, cet autre gars-là s'est foutu dans une telle position avec Dedra que s'ils commencent à soupçonner qu'il y a un espion parmi eux, ils vont penser que c'est lui directement. Parce que quand Dedra, elle est venue lui dire « Hey, c'est cool que tu t'en sortes bien à ma place », parce que c'était son sidekick pendant la saison. Ouais, c'était son sidekick. C'était son gay friend. Ouais. Mais quand elle lui fait bah, « c'est bien que tu t'en sortes sur ce truc-là, et puis t'inquiète pas pour moi, tu peux prendre tout le crédit de ce qui se déroulera », et il lui fait un truc super prétentieux et rabaissant en mode « Je suis pas là pour la gloire », alors que clairement, elle est pas là pour la gloire non plus. Et franchement, là, c'est foutu. Dedra, elle a plus aucune sympathie pour ce gars. Hein. Tu le vois direct dans son regard, elle est en mode « Ah ouais, c'est comme ça que tu réagis ?» C'est comme ça que t'es, en fait. Le dégoût immédiat et le « Ah, oh, t'es ce genre de gars. » Je pensais que t'étais le seul différent dans l'équipe. Et le fait que, ouais, directement, il prend le parti des autres machos en mode comme si elle l'avait fait. Parce que dans la saison 1, tout le truc, tous les arguments des autres gars qui sont corrompus jusqu'au fin fond du rectum, c'est « Ah non, mais toi, tu dévoiles tout ça parce que... T'es la seule femme ici et du coup tu veux te faire bien voir et tu veux prendre nos places et être haut placée, alors que la meuf elle est là « Non, je dis ça parce que vous êtes tous corrompus et que j'aime pas la corruption. Je fais bien mon taf en fait. » Et le gars direct il prend sa place, il a un siège au truc et direct il se met du côté des autres mecs en mode « Moi je suis pas là-dedans pour la gloire en fait. » Sous-entendu, toi tu l'étais. Et maintenant t'es dans le... T'auras pas la gloire parce que personne sait ce que tu fais et ça doit être gardé secret. Donc... Mais non, c'est pas ça. Lui, eux, ils savent pas qu'elle est sur le truc. C'est vrai qu'il sait même pas ça. Ils savent même pas à quel point elle a un boulot important. Mais oui, ils pensent qu'elle a été démotée. Oui, ils pensent qu'elle a... Qu'elle... Ce qui va encore plus avec ce truc de dans ta face, quoi. En mode, moi, je suis là. Hein. Toi, tu voulais la gloire et regarde, tu t'es plus rien maintenant. Et du coup, ouais, il se pose dans cette position de connard. Et du coup, il est le seul, comme tu disais, et j'avais même pas tilté, lié à Gorst. Bah oui, et en plus, c'est fait de manière tellement casual, tellement simple. Genre, bon, du coup, tu prends le lead là-dessus. Et puis voilà. Et puis, comme il a déjà du crédit à la banque en termes de confiance, Lonnie, il est même pas. C'est bon. Ouais, et puis l'autre, il est en mode « Oh, waouh, tu me donnes ça, c'est un truc important. » Tu vois, il se sent important d'un coup. Il est en mode « Oh, merci de me donner ce truc-là. » Mais du coup, ouais, avec ce qui se passe, le gars prend le lead et juste après, le gars meurt. clairement, Dedra et Partagaz vont griller direct que « Ah, ok, il y a un espion. » Il sera au moins sur la liste des potentiels suspects. Ouais. Eh ben, il sera là dans le prochain arc ou pas. Il va être direct dessus en top suspect parce que il arrive sur le truc, il a son siège au conseil et on lui donne un dossier et direct ça leak. Bah ouais, c'est ça. Bon bah, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Ah bah le mec il fait sauter direct. Ah mais exactement, et du coup vraiment le mec bien... il se fait suicider d'une balle dans le dos, hein, c'est... Ouais. Oh non. Et du coup, j'étais en train d'y penser. Et Lonnie, il est vraiment, vraiment doué à ce qu'il est en train de faire. Et du coup, je pense qu'il va mourir dans le prochain arc. Et soit ça va être. Je pense pas que ce sera par une erreur où il découvre que c'est l'espion. Ça pourrait. Mais je serais pas surpris si c'est à cause d'une erreur bête ou d'une balle perdue. Pas littéralement comme Cinta, mais dans le sens où mauvais endroit au mauvais moment. Oui, parce que lui, il est coincé au final. Il est coincé là. Et un truc que Lucen il fait bien comprendre avec tout le truc de Gorman, c'est qu'il est prêt à... Gorman, je pense que pour lui, il fait exprès de rendre la situation encore plus tendue qu'elle l'est déjà pour que ça déborde, pour que ça explose et pour pouvoir utiliser ça pour rallier des gens à la cause. Et du coup, il a pas peur d'un potentiel massacre, tout simplement, pour la cause. Et donc, je pense que Loni, la position dans laquelle il est, à la seconde où il a plus sa position, ou en tout cas sa position est compromise et tout, il pourra pas en sortir. Lucen ne l'aidera pas à en sortir et il le laissera mourir, peu importe la raison pour laquelle il a besoin de se sortir de là. Et pour moi, ce serait trop facile que ça se passe comme ça, justement. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, il est condamné, en fait. Oui, moi, je pense qu'il va juste être envoyé sur une mission pile poil quand ça dégénère, ou se trouver à un endroit où quelque chose se passe, genre... oh bah, merde, j'étais sur Scarif. Tu vois, genre un truc complètement... ballot. Tu vois ce que je veux dire? Genre, oh, merde. Et en parlant de merde, j'étais sur Scarif, il y a un petit arc aussi avec Winmon. Attends. Parce que du coup, t'as parlé de Lucen qui veut que ça dégénère sur Gorman pour rallier les gens à la oui. rébellion, et qui est prêt à risquer un massacre. Je pense qu'il sait que de toute façon, il va y avoir un massacre. Mais il le précipite. Ben, oui et non. Je pense qu'il sait que c'est le cas parce qu'il a vu l'Empire fonctionner, il sait comment ça se passe. Mm-hmm. Le fait qu'il construise une armurerie et tout, pour lui, il sait exactement la technique qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'il essaye de faire le maximum de dégâts à l'Empire. Donc, d'un côté, ça le précipite, mais il essaye pas de précipiter le massacre. Il essaye de faire le maximum de dommages, de dégâts et de publicité. Tu vois, que ça se passe pas inaperçu à l'Empire avant que le massacre, pour pas que le massacre se passe en silence ou de façon aseptisée comme l'Empire le veut, parce que l'Empire, ils veulent que ça dégénère pour pouvoir dire, oh bah... Ça a dégénéré, on a essayé de les calmer et ils se sont causé leur mort, quoi. Et alors que Lucen, il veut montrer que... Il veut que même si la propagande et la technique de l'Empire marchent, il veut qu'au moins il y ait un maximum de déstabilisation causée par Gorman tant qu'ils le peuvent. Et c'est pour ça qu'il n'est pas content que Cassian refuse le truc, parce qu'il est en mode... Ben, ça va mal se passer de toute façon, et on est déjà en retard sur... On peut plus les aider, c'est trop tard. Oui, parce que lui, il se rend pas compte que... C'est ça la différence entre eux deux, c'est que Lucen, il est en mode, oui, et du coup, il faut qu'on utilise ça, ouais, c'est ça. Pour... Oui. Il est très pragmatique, alors que Cassian a beaucoup d'espoir. Cassian, il a son côté humain encore. Il est très idéaliste. Voilà, il est très idéaliste, il a très ce côté-là. Il a encore l'espoir que tu peux sauver... les gens, que tu peux sauver les situations, alors que Lucen, il est, comme on en avait parlé la dernière fois, il est obligé de jouer le rôle du faucheur en mode perdu pour perdu, autant que ça part avec un Big Bang. Et donc, en parlant de Big Bang, d'un autre côté, du coup, on a Willmon et... Qui est chez Saw et tout. Bon, si vous avez vu l'épisode, vous savez ce qui s'y passe. Vous savez que Saw, il est complètement dingo. Et par rapport au possible futur, au possible destin de chaque personnage, je disais, ils sont pas obligés de tous mourir. dans la série, mais un truc que je disais, c'était ce serait drôle que Will, une des dernières choses qu'on voit, c'est Willmon qui arrive sur Jedha avec avec So, et du coup il a pas besoin de mourir dans la série, mais on sait très bien ce qui va se passer après. Ça, ce serait rigolo, mais c'est So, c'est un personnage vraiment étrange. il est étrange. Je me souviens, dans la première saison de The Bad Batch, je l'avais vraiment détesté, comment il était. En fait, à chaque fois qu'il est interprété par Forest Whitaker, je le trouve beaucoup plus... intéressant. Bah, pas juste intéressant, mais il est plus humain, il fait plus tangible. Il fait beaucoup trop caricature dans ses apparitions, ouais. dans Rebels et Bad Batch, où pour le coup c'est vraiment un connard, alors que je trouve que malgré le fait qu'il est complètement parti, hein, sans son esprit, il est plus là, hein, c'est... Mais les lumières sont allumées, mais il n'y a personne à la maison, quoi, oui, mais je trouve que ça... tu vois quand même le fait, tu comprends pourquoi il est important pour la rébellion, parce que il a le feu, il a le, ouais. Il a l'envie et il sait pourquoi il se bat. Et c'était un truc qu'il disait dans la saison 1, et je trouve que c'est assez bien représenté. Il est aussi évidemment ruthless quand on voit. Au final, nous on sait même pas si le gars est vraiment un traître ou pas. Mais alors. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand il l'a tué, je me suis juste dit, ils butent le mec, ils font croire que c'est un prêtre, pour que Willmon il soit obligé de rester pour prendre sa place. Je pense que les deux fonctionnent extrêmement bien. Je pense que ton interprétation est totalement plausible. Je pense que ça l'arrange aussi, mais je pense que le gars était aussi potentiellement un traître, parce que il est très insistant sur demander des infos très précises sur ce qui va se passer. Oui, oui, c'est pour ça que... Tu vois, il veut apprendre à se servir. Je pense que c'est pour ça que Saul l'a placé là pour apprendre le truc, parce qu'il voulait aussi le tester et vérifier son soupçon que le gars était pas fiable et que le gars était un traître. Pour parce que ça l'arrange en plus, de toute façon. Pour moi, il le teste aussi quand il est en mode « c'est bon, on peut tuer le gamin ». Je pense qu'il voulait pas... Il a jamais eu... Il était pas sincère dans le fait que de tuer Willmon. Je pense qu'il allait respecter son accord et tout, mais qu'il faisait juste ça pour tester les deux. Et quand le gars lui dit « ouais, mais j'ai besoin de savoir, comme ça j'ai juste besoin de me souvenir... » du truc, alors que tu sais, il aurait pu dire est-ce que je peux apprendre que la moitié et tu me dis dans quelle moitié j'apprends le truc, comme ça ça me fait pas 8 trucs à apprendre mais 4 et c'est beaucoup plus facile, ou 5 même. Non, il lui demande, je veux savoir exactement l'endroit et la séquence que je dois apprendre et l'heure, etc. Et je pense d'ailleurs qu'il lui a donné le il lui dit, non, je sais plus s'il le dit, qu'il a donné les mauvaises infos exprès pour voir si ça allait liquer et tout. Pour moi, le fait que c'est à ce moment-là où il est... Ouais, bon, ce gars-là est pas de notre côté, et du coup, il lui balance toutes les infos et il regarde comment le gars réagit. Et c'est là où il se fait son opinion de « Ouais, on va se débarrasser de ce gars ». Et aussi, So a ce côté très parano qui est de pire en pire au fil des années. Et dans Rogue One, il se méfie de tout le monde, y compris de sa fille adoptive. Et là, d'ailleurs, on est dans la période où il a déjà abandonné Jean. Jean. Il a aussi perdu cette petite part d'humanité qu'il avait encore. Et d'ailleurs, pendant son discours de dingo, là, quand il est dans les vapeurs de Rhydonium, là, eh ben, il en parle comme si c'était sa sœur, et ceux qui connaissent son histoire, à la base, c'était un personnage dans Clone Wars, et sa sœur, c'était elle, la chef des rebelles. Enfin, des pas des rebelles. Enfin, si. Enfin, c'était elle, la chef, sur leur planète d'origine. Et elle est morte, et c'est là qu'il... C'est à partir de là qu'il a commencé Voilà, qui devient Sogeira, le seul unique. Voilà, absolument. Et c'était vraiment... C'est chelou, comme... il est bizarre, ce monsieur, quand même. Mais je trouve que... ils font un très bon travail dans cette série-là de montrer à quel point... il est quand même essentiel à la... Tout le monde ne peut pas être Mon Mothma et ne pas se salir les mains les trois quarts du temps. Ils ont besoin de quelqu'un comme ça. Et on se souvient dans Rogue One à quel point Jedha, c'est extrêmement inspiré du conflit... conflit... du génocide. Hein, en Palestine et tout ça. Et So, techniquement, il est du côté des gentils. Et il a des méthodes violentes par rapport à d'autres. Là où Luthen, ils sont plus dans l'espionnage et tout ça. Là, lui, il est directement dans... dans le frontal et tout ça, la guérilla, effectivement. Et c'est bien... C'est ça qui est bien avec la série, c'est qu'on a énormément de différents points de vue et on comprend pourquoi on comprend pourquoi après ils vont être en mode « Bon, écoute, faut que tu te calmes un peu. » Mais en même temps, on comprend pourquoi il est aussi essentiel à la rébellion. Et malheureusement, hein, c'est comme dans la vraie vie. Tu peux pas te rebeller avec des platitudes. Ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, je pense qu'on va voir ça dans le prochain arc. Avec Mon Mothma, parce qu'il y a un moment où elle pourra plus être sénatrice, parce que ça ne... Malheureusement, et c'est pareil dans la vraie vie, on ne peut pas changer le fascisme avec que des paroles. C'est impossible. Déjà parce qu'ils écoutent pas, c'est tout le principe. Mais en plus, tant qu'ils respirent... c'est pas terminé. C'est pas fini. Mais c'est horrible. Et moi-même, dans la vie de tous les jours, je suis pas pro-violence, mais ces dernières années, je vois des gens comme Mélan Fox et Rump, par exemple, et même Akron. Hein, et je me dis, ces gens-là, pour que le monde aille mieux, il ne faut pas que ces gens-là existent. Et je pense qu'il est un peu dans cette vision du monde, mais puissance 10 000, où il est en mode, tant qu'il y en a un qui respire, on n'est pas à l'abri. Mais c'est ce qui s'est passé avec les nazis, d'ailleurs. Ceux qui sont échappés en Argentine, ils ont continué leur bordel, et c'est tout ce que tu vois du fascisme sur Internet et tout, c'est très clairement parce qu'ils ont réussi à s'organiser et à créer, continuer leur propagande, leur bourrage de crâne et tout ça. Hein. Et c'était quelque chose qui était bien, qui était intéressant avec la post-logie, c'était que, ben ouais, c'était le retour des néo-nazis, des petites merdes qui savent pas... qui sont pathétiques et tout, mais ils sont quand même une vraie menace pour la liberté et tout ça. Y a ça et l'ouverture de la fenêtre d'Overton en mode « Youpi !» Mais tout ça c'est pas encore dans la série. C'est surtout que c'est plus le cas dans la série. Le fascisme, il est au pouvoir dans la série. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Enfin, il est aussi chez nous maintenant, mais il n'y a plus, plus de la fenêtre d'Overton, c'est plus un sujet, quoi. Ouais. Donc voilà. Et puis du coup, ils se droguent ensemble et puis c'est mignon. Et moi, j'ai trouvé ça intéressant. Dans cet arc, t'as beaucoup l'aspect drogue et addiction et trucs comme ça pour essayer de... Ben, tu sais, c'est un truc très commun avec les vétérans de guerre et tout ça, de devenir alcoolique ou de sombrer dans la drogue et ce genre de choses. Et c'est intéressant de le voir mis à l'écran et de montrer que ben, tu peux avoir des gens bien qui ont des soucis comme ça. C'est vrai. Et parce que c'est rarement représenté de cette façon-là. C'est généralement, tu les prends en pitié ou c'est montré comme des gens qui sont incapables de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont complètement ruinés par la drogue. Les gens comme ça existent, évidemment. Mais c'est jamais de montrer de façon aussi nuancée, tu vois. Aussi en mode, c'est quand même des gens qui ont leur propre volonté, c'est des gens qui ont leur propre humanité, c'est des gens qui essayent de faire le bien. Et qui sont au courant de leurs limites et de leurs vices, entre guillemets. Ça peut l'être, hein. C'est aussi. Et aussi, ça pose la question de... Parce que tout ce truc-là de résistance et de rébellion et tout, ça a un gros impact sur la santé mentale. Tu vois que il se méfie de tout le monde. Il a son truc de drogue. Bix, elle a des flashbacks, des hallucinations, et elle a besoin de somnifères. Cassian, il a peur d'être en public, etc. etc. Et ça te fait poser la question de... Lucen, il a quoi ? Cléa, elle a quoi ? Mon Mothma, tu vois, tu te demandes de... Ils ont forcément quelque chose. Et tu le vois presque avec Lucen dans la saison 1, où il, à un moment, il craque presque, où il est, tu sais, en panique, en train d'essayer d'écouter les trucs dans son... C'était le premier arc de cette saison. Oui, il craque à un moment et Cléa lui dit calmos. Ah, c'était dans celle-là, pardon. Okay, oui, c'est quand il ne pouvait plus contacter Cassian parce qu'il était avec les. Avec les débilos. Les couillons. Ah là. Oui, elle. Mais dans la saison 1 aussi, quand ils font Aldani, où il est. Elle lui dit oui, tu m'as dit stresse. Que tu couperais la radio. C'est vrai qu'il stresse à ce moment-là aussi. Mais on ne le voit pas. Craquer sur un plan personnel. On voit pas ce qu'il fait pour gérer la pression. On le voit pas encore dans sa vie personnelle de tous les jours. On l'a pas vraiment vu dans ce genre de situation. Je sais pas si on le verra en vrai. Parce que, alors, je trouve que ça peut être intéressant qu'on le voit pas. Mais c'est vrai que Lucien, il a toujours l'air sur le fil du rasoir, vraiment à deux doigts de péter un plomb, quoi. Oui. Mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son super monologue de la saison. Ah ouais, à Louis, ouais. Ouais, ouais, il lui explique tout ça, que ça fait partie du sacrifice, qu'il n'a pas le droit de... Il n'a pas le droit d'être triste, il n'a pas le droit d'être en deuil, il n'a pas le droit de faire ces trucs-là, parce qu'il faut que quelqu'un continue à tenir le volant, quoi. Mmh. Et que du coup, pour que les autres puissent avoir ce deuil, puissent avoir... toutes ses émotions, lui, il n'a pas le droit de se l'autoriser. Et du coup, je me demande si on va voir un peu plus de cet aspect-là du personnage dans le futur ou pas. Ok. Bah, on a bien discuté, hein, quand même. Pour un arc où on disait qu'il y avait moins de choses à dire, on n'a même pas parlé d'un des sujets principaux encore. Des sujets principaux. Un truc qui est important dans la série. Maddy on a parlé très vite fait à un moment, mais on n'en a pas discuté vraiment à la fin de cet arc. Donc, on voyait les Gorman là qui Français. Il y avait les deux jeunes là qui veulent faire de l'action et tout, c'est très Star Wars, c'est aussi l'impatience et l'envie d'action et tout ça. avec Vel et Cinta qui leur dit « Non, non, non, non, vous vous calmez, vous nous suivez, nous on a de l'expérience, tout ça. » et tout se passe très bien. Première erreur, mais alors pour le coup, celui-là un peu moins problématique, la jeune, elle va raccompagner une personne âgée. Pour le coup, ça va, elle le fait calmement et tout, mais le problème c'est que du coup, Cinta doit venir prendre sa place. Ça décale un peu tout ça. Et le jeune, lui, le gars, et c'est ça le pire, c'est qu'il se met du coup à se bagarrer un peu avec un gars qui a les mêmes opinions qu'eux. Le gars, il allait rien faire de mal. Il aurait pu le laisser passer. C'était pas un problème. Parce que le gars, il pense la même chose qu'eux. Il est de leur côté. Il est même encore plus radical que je trouve. Donc, Mais oui, ouais. Oui. Et il les rejoint de lui-même en plus quand Cinta se fait tirer dessus. Quand Cinta est morte après, voilà. Du coup, Cinta meurt à cause de ce jeune imbécile. et direct, oui, il vient, il les aide et tout ça, le gars. Le gars, tu vois la petite vieille, elle peut être dirigée tranquille. Tout est neutre. Elle le fait de manière avec beaucoup de compassion et tout, très très douce, très délicate. Et lui, il va direct dans la confrontation et tout, et avec une arme qu'ils n'avaient pas le droit d'avoir. Ils n'étaient pas censés avoir d'armes. Ils en avaient vraiment pas besoin. Et ils en avaient vraiment pas besoin parce que leur plan, il fonctionnait parfaitement. Tout allait très bien. C'était juste une. C'est comme je disais tout à l'heure, c'était limite banal, tellement c'était facile, tellement en suivant le plan, tout se passait bien. Et non, qu'est-ce qui se passe? Et ben, il y a une nouvelle mort. Et comme Brasso, c'était une mort qui était évitable, qui est sans cérémonie, évidemment, c'est le tout le truc de Andor et Rogue One, évidemment. Et qui n'a pas de sens, ça arrive juste, ça arrive, et c'est pas juste, et ça n'aurait pas dû arriver, et c'est triste. Et c'est encore plus tristement ironique quand tu sais que le plan de l'Empire à ce moment-là, c'était de les laisser faire jusqu'au bout, hein. Ouais. Ils allaient pas intervenir. Ils interviennent plus tôt que ce qu'ils avaient prévu parce qu'il y a le coup de feu et que du coup ils sont obligés de d'intervenir. Mais ils allaient absolument pas intervenir au début. Leur but, c'était de les laisser faire tout le truc, justement. Ça faisait partie de leur plan. Ouais. Et donc, ils avaient pas besoin d'armes et il se serait absolument rien passé. Ils étaient pas en danger, ils avaient tout le temps qu'ils voulaient. Ça rend le truc encore plus triste dans ce... Ouais, ironiquement, l'ironie du fait que... En fait, l'Empire, il était déjà là à vous regarder et il vous laissait faire. Ils n'avaient aucune intention de venir faire un conflit armé avec vous à ce moment-là. Donc, ouais. Ensuite, et du coup, il y avait ce petit truc et je m'y attendais un peu en le voyant. Quelques questions. C'est vrai que du coup, un des rares personnages qui meurt, c'est aussi un des rares personnages queer de la série, enfin de Star Wars même en général. Nous, vous savez, on est extrêmement homosexuels. C'est pas un problème, c'est un personnage. Je sais qu'il y a le truc du fameux bury your gaze, mais j'ai envie de dire, jusqu'ici dans Star Wars, on pouvait même pas les enterrer, les homosexuels, parce qu'ils étaient pas là. Du coup, et en plus, c'est pas du tout le même genre de truc, c'est pas fait de manière cynique et tout. C'est ça, et c'est ça que je disais aussi dans la review de Andor, la première saison. Et de Rogue One, c'est que ça m'énerve que ça plaise autant aux mecs, aux fans hyper bas du front, hyper stupides, qui veulent de la violence et tout, du dark et gritty, parce que c'est pas des œuvres cyniques. C'est des œuvres qui sont pleines d'amour, pleines d'espoir, qui... C'est... Oui, c'est plus mature et adulte que le Star Wars habituel, mais pour moi, ça, ça a le cœur de Star Wars, exactement comme on disait pour Skeleton Crew pas longtemps après. Ce sont deux séries extrêmement différentes, mais le cœur de Star Wars, il est là dans les deux. Et du coup, le fait que ce soit fait sans cynisme, et que c'est... Oui, c'est triste, et oui, les circonstances sont dures, mais je pense, pour moi en tout cas, qui suis lesbienne, ça ne me dérange pas. Je suis pas lesbienne. je pense aussi que justement, le fait qu'elles aient eu leur retrouvaille et que ce soit bien montré que oui, c'est un couple, oui, elles s'aiment, oui, ça fait, c'est de longue date, etc., etc., c'était justement pour pas faire un bury your gay, en mode on tue le couple gay en douce comme ça. C'est... Je pense que c'était justement pour donner ce... appuyer le fait que, oui, elles étaient un couple solide, et oui, elles s'aimaient, et, etc., et c'était pour donner un au revoir, et aussi pour rétablir le couple, et pour... Et pas justement pour se débarrasser d'une d'entre elles en douce, en mode qu'est-ce qu'on fait avec elle maintenant ? Et aussi pour le, bah, l'impact émotionnel que ça a, d'autant plus. Et toi, Maddy, du coup, est-ce que tu as des choses à dire par rapport à ça ? Ouais, alors moi, je m'en ai déjà longuement étalé dessus sur le serveur, mais oui, on peut pas appeler ça du bury your gay parce que ça ne remplit pas, comme vous avez dit, le côté cynique de la disparition du personnage, le dédain envers son orientation, sa mort, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas là dans Andor. Enfin, je sais pas, vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais la scène était vraiment très, avait un rythme vraiment très soutenu, et puis au moment de la mort de Cinta, toute la scène ralentit et on prend du temps pour en tant que spectateur pour faire le deuil, mais aussi les personnages ils prennent leur temps en mode putain, il y a une des nôtres qui est morte, en plus elle s'est fait tuer par le con de l'équipe. C'était pas cynique du tout. Mm-hmm. Non, donc, elle a carrément toute une eulogie, je sais pas si c'est le mot français aussi, et elle a un discours de déclaration d'amour magnifique et puissant, justement. C'est pas genre passer sous le tapis, c'est on te montre bien à quel point c'est dégueulasse, à quel point ça aurait pas dû se passer, à quel point c'est encore une fois l'ego des hommes et tout qui vient te ruiner ça, et à quel point cette personne-là était aimée et célébrée. C'est tout l'inverse du burial qui commence. Et c'était joli ce qu'elle a dit sur tout son discours sur elle, parce que c'était un truc qui était... Elles étaient très... comment dire ? Pas froides, mais elles avaient une distance entre elles pendant pratiquement toute la série, à cause du fait qu'elles sont rebelles et que Cinta était encore plus engagée que Vel, pour des raisons évidentes. Mais c'est là qu'on voit enfin l'ampleur de ce qu'elle pensait d'elle. Et c'est très juste parce que on parle comme d'une guerrière et tout ça. On a bien vu, c'était elle, l'ange de la mort, littéralement, dans l'arc précédent. Et c'est fou parce que elle était tellement une force pour Luthen, pour cette frange de la rébellion, que elle est irremplaçable pour le coup. C'est pas un personnage, un personnage qui va être oublié facilement parce que rien que l'impact qu'elle a sur les autres, et notamment Vel, mais aussi par la force qu'elle dégageait effectivement dès le début, en fait. Elle était impressionnante, et le fait que elle soit partie comme ça d'un coup, c'était assez choquant, mais pas dans le sens mais vraiment genre waouh, je pensais pas qu'elle pouvait mourir. J'avais pas pensé que ça pouvait lui arriver. Et pour moi, c'est tout le but de cette scène. C'est aussi de rappeler l'absurdité et comment dire, la stupidité de la mort, dans le sens où parfois c'est juste con. Ouais, parfois ça arrive d'une manière complètement inattendue, complètement évitable et complètement dérisoire, tu vois, dans le sens où tu t'y attendrais pas pour elle exactement, tu vois. C'est parce qu'il y a beaucoup ce truc de oh, les héros, ils doivent mourir dans un combat acharné et plein de tensions et tout. Et je trouve que c'est super important de montrer que, ben, des fois, les héros, ils meurent d'une balle perdue, d'un connard dans leur camp qui supportait pas de se prendre des ordres de la part d'une femme. D'ailleurs, je pense qu'on va le voir bientôt aussi dans la série, mais il y a Melchi, le pote de prison de Cassian, parce que si, maintenant, avec la série, on l'a vu beaucoup plus, on va le revoir encore un peu, et dans c'est un des rares personnages qui ont un prénom pendant quelques scènes dans Rogue One, et il meurt basiquement hors caméra d'une balle perdue aussi. Tous ces personnages, ils ont leur contribution, mais ils sont aussi pas le côté oh bah on va infiltrer le on est quatre, on va infiltrer le vaisseau du Supreme Leader Kylo Ren et puis on va repartir sans souci et tout ça avec un vaisseau et un Wookiee ou alors on va infiltrer la base destructrice de l'Empire avec notre slip, le fermier du coin et un vieux gars et deux droïdes. Et puis on va repartir avec la princesse. C'est Star Wars, des fois c'est trop facile pour les personnages aussi. Et on n'a pas l'habitude. Alors que ça, c'est vrai que maintenant, bah, ça arrive. C'est pas des Skywalker, donc ils peuvent mourir. Est-ce que j'avais plus de choses à dire là dessus, ou est-ce qu'on peut partir sur la fin là, parce que ça se fait 2 heures déjà. Mes petits pioux. Les Français sont des grosses merdes. Oui, mais ça c'est comme dans la vraie vie. C'était très drôle de voir la réaction de tout le monde. Oh mais oui, c'est vrai. Du coup. Je ne sais pas si on l'avait intégré dans un épisode précédent, mais du coup, on le savait, nous, qu'il y aurait des Français dans Star Wars, parce que Tuki nous avait raconté ça. Est-ce que tu veux en parler vite fait avant qu'on finisse? Oui, basiquement, je travaille sur des films et des séries, et j'ai rencontré pas mal de Français qui m'ont raconté qu'ils avaient tourné dans Andor, et qui du coup m'avaient raconté qu'il y avait tout un langage qui avait été créé et que la production avait cherché à recruter des Français, des figurants français et énormément de figurants français spécifiquement pour ça. Du coup, voilà, moi je savais qu'il y avait, il y avait la France. Mais je savais pas du tout à quoi ça ressemblait par contre. Je ne savais pas du tout que ce serait inspiration Seconde Guerre mondiale et ce genre de truc, ce qui est parfaitement logique, évidemment. Mais j'avais aucun contexte. Mmh. Ok. Et du coup, maintenant, on va passer à la dernière partie de cette review, avec tout d'abord nos scènes favorites. Dites-moi, du coup, Maddy, quelles étaient tes scènes favorites dans cet arc-là? Alors, la scène de Kleya qui récupère le mécanisme, je l'ai trouvé, enfin du coup cette scène et la scène de, c'est pas un débat, mais du fight entre Mon et Krennic. Les deux ensemble là, vraiment c'était, oh, c'était délicieux. Quand j'aime bien aussi quand Cassian parle avec le, je me rappelle plus c'est quoi le nom de ce métier là. C'est pas designer. Le maître d'hôtel, oui, quand il est en designer, mais qui ouais, parle ouais, avec je me souviens. Ah, oh, le valet de chambre. quand il parle avec le valet de chambre qui s'avère être un rescapé du massacre de Gorman, j'ai trouvé que cette scène, ça lui donnait vachement d'humanité parce qu'il n'est pas obligé de lui demander. Il sait ce qui s'est passé. Oui, et il n'est pas obligé d'écouter non plus. Voilà, et il lui demande quand même, il a un moment d'humanité, enfin, c'est déjà le cas, hein. c'est vraiment la part humaine de la rébellion, Cassian, et il a vraiment ce côté, tu sens qu'il a de la peine, quoi, pour un mec qu'il ne connaît pas, quoi. Il a de l'empathie, c'est un empath, un peu. Et ouais, cette scène était vachement, vachement touchante. Enfin, j'ai trouvé c'est une petite scène comme ça, mais non seulement c'est touchant, mais alors en plus ils font une référence à l'univers étendu. Alors là, c'est trop cool, quoi. Ah, tu me connais sur l'univers étendu, je suis pas expansif. Hein. je sais, mais je vais en parler après. Mais cette scène était toute mignonne, ça, et puis Bix qui frit, qui littéralement fait air fry le cerveau de Korst. C'était incroyable. Yep. Tuki. Oui, bonsoir. moi, j'ai beaucoup aimé la scène, tout Cassian Designer, mais spécifiquement la scène où il est dans le restaurant, et au début, il joue l'innocent, il fait un peu l'idiot, entre guillemets. Et d'un coup, il est en mode à la meuf. Ça se trouve, je suis un espion impérial. Et tu viens de condamner toute ta famille. Et comment il retourne la situation et comment il l'a fait flipper et tout. Et qu'il utilise ça pour lui faire sa première leçon de comment prendre ses précautions en tant que rebelle. J'ai adoré comment il était sérieux et tout dans cette scène. Parce qu'on le voit généralement dans l'action. Et très honnête, très ouvert directement. Et on le voit rarement dans ce truc de justement jouer un peu l'espion, jouer un rôle et roleplay et ce genre de truc. Et c'était super cool d'avoir un peu cet aspect-là sur lui. Je l'ai trouvé super dans ce rôle. Et aussi, ça a un peu montré, ça appuie encore plus son point que les gens, ils sont pas préparés. J'arrive et ils croient direct que je suis de leur côté et ils me racontent tous leurs secrets dans un restaurant. Genre. Il a dû se dire, mais c'est quoi ces bolos ouais, c'est trop... Putain, on est tous morts avec eux. C'est foutu. Mon dieu. ouais, moi j'ai bien aimé aussi j'en parlais, le saut qui se débarrasse du traître. Et qui recrute Wilmont, peu importe quelle était ses vraies intentions derrière tout ça. En plus, ça m'a fait rire parce que le gars qui se fait buter, on dirait les Américains, tu sais, Texan ou Floride ou trucs comme ça, tu vois, la barbe blonde et tout, ouais. Et le gars est genre, je veux pas choisir ça, alors que là, j'ai le petit gars non blanc là, orphelin, qui est super intelligent et qui se bat vraiment parce qu'il croit en la cause. Viens mon petit gars, maintenant t'es ma petite recrue, t'es mon... Et tu me mets à Wilmont, t'es promu maintenant. Ouais, t'es mon poussin maintenant, allez hop. Et viens, direct ton baptême du feu avec la drogue. Do you like it, you bones kid? Bix qui se venge, évidemment. On rêverait tous de pouvoir faire ça à nos abuseurs. Oui. Du coup, très satisfaisant. Oui, parfait. Le fait qu'elle puisse en plus lui faire subir ce qui lui a fait subir en pire. Tu vois, le karma du gars qui meurt de la façon dont il a détruit la vie de nombreuses personnes. Et le fait qu'il laisse même pas une chance au gars de peut-être continuer à vivre et reconstruire sa vie après ça, et c'est genre tes dernières minutes, parce qu'il est haut dans le bâtiment, hein, le temps qu'elle descende, ça se trouve, elle a pris les escaliers, et qu'elle sorte pour rejoindre Andorre et qu'il fasse péter le truc, je pense qu'il y a bien au moins 10 bonnes grosses minutes du gars qui se prend sa propre torture. Et ensuite, voilà, pour effacer tout doute, on le fait péter. Voilà. Nique-toi. Et très satisfaisant. Et avec le fait de marcher avec l'explosion, façon film d'action à la... Cool guy, don't look at explosion. Mais ils étaient loin, donc ils ont une excuse. Mais j'ai beaucoup aimé ce truc qui fait très années 90 et 2000 de notre enfance. Et évidemment, la joute Mothma et Krennic, qui est très très bien écrite. Et il est insupportable de la meilleure façon possible. Exactement. Ça me rappelle un truc que j'ai vu il n'y a pas longtemps, c'était... je comprends pas le kink, le brat kink, parce que ça veut dire que ça t'excite sexuellement d'être emmerdant. Et si ça résume pas Krennic. Ah, clairement. Adrien aussi. Oui, Adrien nous a envoyé ses petits trucs. Du coup, il a mis Big Skis Venge. Oui. Les scènes sur Coruscant avec Beans. Beans. Oui, avec Mr. Bean et Cassian. Et Cassian qui joue au designer. Voilà. Ben voilà, tout a été un peu dit. Je voulais juste rajouter ce qui était drôle, c'est avec la... Ce qui est drôle. Non, c'est pas drôle du tout. la scène où le valet de chambre raconte ce qui s'est passé, ben, moi, je pensais que c'était ça qu'on verrait dans la série, parce que dans Rebels, on voit Mon Mothma qui parle du massacre de Gorman, et dans l'univers étendu Legends, le massacre de Gorman, c'était ce qui est raconté là par le maître d'hôtel, qui est de Tarkin, qui pose son vaisseau sur des manifestants pacifistes. Hein, on rappelle, ce sont des manifestants pacifistes, ils n'étaient pas armés ou quoi que ce soit, mais Tarkin, il a posé son vaisseau sur eux. Et du coup, c'est horrible, c'est doublement horrible, parce qu'on sait qu'il va y avoir un deuxième massacre, du coup, à cause de Rebels, on sait qu'il va y en avoir un autre, mais c'est même pas celui-là. Du coup, il y aurait eu deux massacres sur Gorman, et probablement les deux au même endroit. Et ça, c'est vraiment pas de chance. La Bastille. Et j'ai bien aimé, c'est pas une scène en particulier, mais j'ai trouvé ça rigolo, Cyril. Il vit sa meilleure vie à ce moment-là, dans cet arc-là. Il fait le petit toutou, littéralement. Il est trop content. Il est trop heureux. Et ensuite, du coup, c'est un peu lié, mais vos personnages favoris de cet arc, je vais commencer par Adrien. Il a mis So, Bix et Cinta. À vous, les studios. Vas-y, toc-toc. Cléa, j'ai beaucoup aimé qu'on la voit plus et qu'on la voit dans une situation où elle met la main à la pâte, dans le sens où elle est vulnérable, elle est exposée et elle doit faire quelque chose à haut risque, alors que d'habitude elle est un peu plus dans le retrait, dans l'ombre. Vel, c'était bien de la voir à nouveau prendre le lead sur une mission, voir à quel point elle s'est beaucoup plus raffermie, dans le sens où elle a clairement plus de doutes, et là elle sait que quand elle prend le lead, elle dirige, et c'est tout, par rapport à Aldani. Et le discours et la façon dont elle gère la mort de Cinta, et le fait qu'elle a tellement raison dans ce qu'elle dit, à quel point elle rend hommage à la personne, à quel point elle montre à quel point c'est important aussi pour la rébellion, pour la galaxie et tout. Et le fait de ouais, mon gars, je vais pas te donner le soulagement de la mort ou de me venger contre toi pour que tu puisses passer à autre chose. En fait, tu vas penser à ce que t'as fait et ça va te hanter toute ta vie. Et ouais, j'ai bien aimé ça. Cassian, j'ai trouvé vraiment. Il a eu tellement de choses différentes dans cet arc où tu le vois super effrayé et tout, quand il est. Tu le vois super parano, super traumatisé quand il doit aller faire ses courses. Et de l'autre côté, tu le vois super en confiance, super dans son élément quand il fait du roleplay. Et ensuite, le best boyfriend. Quand il vient soutenir sa copine dans sa vengeance. Et aussi le fait que quand elle le confronte sur le fait qu'il est trop en train de la contrôler et de l'étouffer, qu'il arrive quand même à reconnaître ça et tout. J'ai beaucoup aimé le fait qu'il avait autant de situations différentes et de nuances et de growth. Développement, on va dire. Oui. Et saut. Parce que plus il est foufou, plus je l'aime. Je le trouve justement que c'est intéressant d'avoir un personnage aussi peu les pieds sur terre. Tu vois, la plupart des. Si tu penses à Mon Mothma, si tu penses à Lucen, Cleia et tout, c'est des gens qui sont très contrôlés, qui sont très normaux. Dans le sens où ils sont. Très stoïque. Et lui, il est complètement chaotique. Et il fait son taf quand même super bien. Il gère son truc super bien. C'est un personnage qui est super, très intelligent, très puissant. Et complètement excentrique. Ce qui est toujours bien à voir parce qu'on n'a pas assez de gens excentriques de façon complètement inattendue imprévisible. Alright. Du coup, moi, je vais pas expliquer parce que c'est facile. C'est facile de savoir pourquoi. So, Cleia, Vel et Loni. J'ai bien aimé là. Dans cet arc. Et du coup, on va finir avec un texte qui nous a été envoyé par Adrien, c'est très important, hein, vous allez voir, c'est extrêmement important, l'anecdote d'Adrien. Donc, je cite, hein, tout ce que je vais dire maintenant, c'est ce qui est écrit par Adrien. Le mec français qui joue le jeune Gore qui fait une boulette s'appelle Abraham Wappler. Et c'est un Nepo Baby parce que c'est le fils de l'actrice Valérie Benguigui et de l'acteur Eric Wappler. Et il joue dans l'œuvre la plus validiste de l'histoire, la série TF1 Lycée Toulouse-Lautrec. J'ai tout Hate Watch pour la science et le militantisme, ne faites pas ça. Et c'est vraiment une série effroyable tellement elle déteste les handicapés. Abraham Wappler n'était pas dans la saison 2. Il a été recast et wow, il a bien fait de quitter Paris pour Gorman, le con. Voilà. J'espère que vous vous sentez enrichi par cette anecdote. C'était les potins célébrités de... de Adrien. On vous remercie chaleureusement d'avoir été avec moi. Je vous remercie, je suis fou. Ouais, non, faut nous. Pas que je dise ça. Et on remercie par contre chaleureusement Karel, Anthony, Aline et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Gros bisous. Le temps que vous écoutiez cet épisode-là, vous aurez déjà vu l'arc d'après, je sais, mais c'est pas grave. Vive la rébellion et que la force soit avec vous. Bisous. Bisous. À bientôt. Suivez Faucon Millennial sur Blue Sky et Patreon, et rejoignez notre Discord pour encore plus de discussions sur Star Wars et bien plus encore. Tous les liens sont dans la description. Bisous. Prout. Je sais pas si ça fonctionne bien, j'ai pas le même setup que d'habitude, mais the garbage will do. Oui, du coup, Gruche, j'arrête pas de repenser à la suite de la trilogie hein, Jedi. Ouais. Et tu te souviens qu'à chaque fois, on se dit, ouais, et tout, le méchant, ben, c'est sûrement Vador, parce que du coup, faut que ce soit un ennemi qu'on a déjà vu ou quoi, et ça sera impactant et tout. Ah, mais je pense pas le main. Ouais, mais parce que j'ai un flash. Je pense qu'il sera dedans, mais... J'ai eu un flash Vas-y. Cette semaine. Et si c'était Starkiller. Bah ouais, c'est ça. Et si c'était Starkiller, gauche côte. C'est vraiment ça? T'y penses ou pas? Non.